بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين أما بعد. طيب نأخذ الكلمات من درس الماضي. توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع من زاحم يزاحم رهبانية مسكنه اوجع يوجع ناسك نساك زاهد comment on dit l'union التئام comment on dit prestige prestige prestance prestige bon aspect Heiba. Comme on dit, ma mana afarza yufidu, là dans le texte. Comme on dit plus durable. Adouam ou adoum. Adouam. Ala wazafhal. Ma mana ulfa. Ulfa. Fréquentation. Entourage, n'am. Comme on dit faire entendre. هل كان رضي الله عنه ينفر من المجالس وضح ذلك لا بل كان يحض على التئام الناس واجتماعهم في مجالسهم طيب كيف كان يود أن يقسم وقته Comment est-ce qu'il aimait partager son temps Oui, volontairement, à cause du doute par rapport à la phrase. Kana yurtalit Yurtalit. Yurtalit. C'est mélangé. Kana yurtalit de ra'iyatihi wa yawadda d'autres questions la dernière ressemble à la première ouais vas-y خلاص on trouve ma chère en fait allez-y par là طيب درس الدرس السادس Sixième leçon. Bi'unwan wasa'il al-naql wal-muwasalat. Les moyens de transport, en fait. Donc c'est comme ça, les moyens de transport. Wasa'il, c'est le terme de wasila, qui est moyen. Naql, transport, muwasalat, c'est les choses qui te font parvenir quelque part. طيب كلمة أولى نهضة نهضة سي لسور لسور prosperity حول هذا قاس يقيس C'est quoi? Qasa yaqisu. De là qu'on prend le mot qiyas. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qiyas, je sais ce que c'est, mais pas ça. Comparer. Comparer à Ahdaf. On a Ahdaf. Ahdathu, c'est ism tafdil de hadith, qui veut dire jadid. Une chose plus récente, en fait. Ta'affar, ta'affaru, ça c'est s'empêtrer. Ou halun, c'est le jam de wahl, adawatin, mabloul, c'est la boue. Awhal, c'est le jam de wahl, la boue. Adghal, jam, daghal. Jam, daghal, et c'est la brousse. Et Akhda'a Yukhdi'u Min al-Khudu', c'est le fait de Tassallat à la chaîne, prendre le dessus sur quelque chose. Le fait de rabaisser une chose, de la rendre sous ton contrôle. Awa'iq. هذا وجمع عائق ici un obstacle ضحاله c'est le jam c'est le axe de عمق c'était quoi le عمق ما معنى العمق de là on a pris le mot عميق profond. Donc, dahala, c'est le contraire de amq. Je pense que ça doit être la surface. Rasada yarsudu, celui-là, ma wajadtu. Yani, mana al-munasib. Et ils ont mis rakaba wa sajjala. Rasada al-alimu harakat al-nujum. C'est comme le fait de surveiller, d'enregistrer, observer. Akaza yakoul. Moi, ce que je cherchais, j'ai pas trouvé. Obabun, ça est trouvé dans le sens d'un le cours ou le flux d'une chose. Là, ce sera celui de l'eau. ثم قال مخر يمخر وعزاهم قالوا c'est le fait en fait de voguer de fendre les eaux pour le bateau كوارث هي الحوادث الخطيرة. سنن كوارث سي tout ce qui est accident dangereux. إنتاج ça c'est un produit. كمل يكمل c'est compléter ou parachever une chose. ذلول c'est une chose qui est فِذِّلْ sous le contrôle. كُلِّيُّن c'est une chose qu'on dira totale. هكذا يقال. هذا أمر كُلِّي chose totale. تقريبا حول هذا. تبادل تبادلوا c'est les choses qui s'échangent. Et daurun, c'est un tour. Yukalakada, un tour. Tout comme on dit, c'est mon tour à la dauri, thumma, anta. Après, c'est toi, ainsi de suite. Qala, inna taqaddum al-umam wa shu'ub nahdataha wa nahdataha yuqasu بمدى تقدم وسائل نقلها ومواصلتها que l'avancée des communautés et des peuples ainsi que leur essor est comparable à l'avancée de leurs moyens de transport. C'est-à-dire tu arrives à voir comment ils avancent en regardant comment ils sont, comment ils se déplacent. ولذا نرى الدول تتسابق في تحسينها وتطويرها مَا وَجَدَتْ لِذَلِكَ سَبِيلًا C'est pour ça que tu vois tous les pays se concurrencer dans l'amélioration, justement, et dans la modernisation de ces moyens, tant qu'elles peuvent, autant qu'elles peuvent. Yani, مَا وَجَدَتْ لِذَلِكَ سَبِيلًا On traduirait en français par tant qu'elles peuvent. كَفِكُلْ عَزَ وَجَلْ وَلِلَّهِ يَرَ النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا Pour celui qui peut faire le Hajj. وَقَدْ مَرَّ تَطَوُّرُهَا بِمَرَاحِلْ مُخْتَلِفَةً Donc, son expansion s'est faite de différentes étapes. Leur expansion, c'est-à-dire leur avancée, s'est faite par différentes étapes. مَرَاحِلْ, c'est le terme de مَرْحَلَة, qui veut dire étape. فَبَعْدْ أَنْ كَانَ الْإِنسَانِ يَعْتَمِدُ اِعْتِمَادًا كُلِّيًّا في تحركه وتنقله على رجليه أو على دواب والمراكب الشرعية وقوة جسمه نراه اليوم يستخدم أحدث وسائل النقل والمواصلات في تحركاته. Donc il dit après que l'humain se soit basé de façon totale يعتمد اعتمادا كليا totalement طيب Et Yatamada Yatamidou, c'est se baser sur une chose. Dans ses mouvements et dans ses déplacements, Taharukihi ou Antanakulihi, il se déplaçait totalement à la base sur quoi ? Sur ses jambes, ses pieds ou sur les animaux. Ad-Dawab, Jamdabba. Ou alors, Marakib Shira'iya. Les moyens primitifs du début. Wakuwa Jismihi, la force de son corps, la force physique. نراه اليوم aujourd'hui on le voit يستخدم احدث وسائل النقل والمواصلات في تحركاته on le voit aujourd'hui utiliser les moyens les plus modernes transport dans ses déplacements dans ses mouvements فما بقيت الوسائل البدائيه مكانه qui ne reste plus de place pour les moyens primitifs الا في مناطق التي تتعثر فيها الوسائل الحديثة hormis dans les contrées dans lesquelles s'empêtrent justement ces moyens de transport nouveaux. Ils n'y ont pas accès. Des endroits où les choses nouvelles ne peuvent pas accéder. كالصحارى والأوحال والأدغال وقمم الجبال comme par exemple dans le désert ou dans les lieux boueux ou les lieux comme la brousse ou le sommet des montagnes. وحتى هذه قد تغلب الإنسان عليها بفضل تقدم العلم الذي علمه الله الإنسان. Il dit même ces endroits-là, parfois l'insan a pris le dessus par le mérite de l'avancée scientifique qu'Allah lui a enseignée. C'est-à-dire que maintenant, même dans le désert, on trouve, il y a des voitures, vas-y, vont. La boue Kazali, qu'ils ont trouvé des engins ou une façon de mettre des roues. Mais généralement, ces lieux-là, c'est surtout sur les, à pied, quoi, qui se traversent. فزالت العقابات الطبيعية التي تقف حائلا دون طريقة فسويت المرتفعات وزلت العواقب العوائق وعولجت ضحالة المياه. Donc les obstacles naturels ont été supprimés, les choses qui sont obstacles au chemin, d'accord. Les choses qui étaient élevées ont été aplanies. Kazalik uzilat al-awa'iq, c'est pareil, c'est les obstacles, toutes les barrières ont été enlevées. Et oulijat dahalat al-maya. À la base, ce serait les surfaces des eaux ont été. Là, je ne sais pas comment je traduirais ça. Oulijat dahalat al-maya. Que la surface de l'eau ont été également, on dirait, comme si vous voulez dire, elles ont été exploitées. Allah alam. Rusidat taghayyurat al-jaw li tajannub awaqibha. Fasarat al-qatirat wa sayyarat tashuqqu al-bar dun 'ana wa sarat as-sufun tamlukhu ribab al-bihar dun 'aiq. Donc maintenant les changements climatiques, on va dire comme ça, ont été contrôlés. On est contrôlé, c'est-à-dire sous surveillance. D'accord. Pour éviter justement toute entrave ou tout obstacle. Ils ont sûrement allusion peut-être à tout ce qui est ouragan ou grand vent ou les alika. Donc maintenant, tu vas voir Kazalik, les grands camions, les voitures, se déplacer sur terre sans peine. Et que maintenant tu vois les bateaux fendre le cours des eaux. Sans obstacle. Makada, t'as dû takriban. Wa ta'irat tantadiku fil jaw dun tamahul. Et que tu vois les avions se déplacer dans les airs. On traduirait tamahul à la base mahlan, ça veut dire doucement. Yani en toute fluidité. On dirait comme ça. وبفضل وسائل النقل والمواصلات زاد ارتباط الدول بعضها ببعض. Et par justement le mérite de ces moyens de transport, aujourd'hui tu vois que les liens entre les pays sont renforcés, certains avec d'autres. وتبادلت انتاجها, et que leurs produits s'échangent. ولم يعد دور وسائل النقل والمواصلات قاصرا على الأرض فقد غزت الفضاء فقربت المسافات وقصرت الزمان. Donc la part des moyens de transport n'est pas à négliger sur Terre, car les espaces ont été conquis, on dit l'espace vers le ciel, que les distances ont été rapprochées et que le temps s'est raccourci par ces moyens de transport. وسائل النقل والمواصلات تكمل بعضها بعضا, et que ces moyens de transport se complètent les uns les autres. لكل مزايا وعيوبه, chacun ils ont leurs avantages ou inconvénients. فإن امتاز هذا بالانطلاق السريع امتاز هذا بالنقل الثقيل. Si par exemple celui-là se distingue par la rapidité, celui-là se distinguera par quoi? Le fait qu'il puisse transporter des lourdes charges. Par exemple, les bateaux, مثلاً, c'est parce que plus rapide, mais tu peux mettre beaucoup de choses sur un bateau, plus qu'un avion. وَكَذَا سَخَّرَ اللَّهُ لِلْإِنسَانِ الْأَرْضَ وَالْفَضَاءَ وَالْبِحَارَ فَجَعَلَهَا ذَلُولًا تَحْمِلُهُ عَلَى ظُهُورِهَا وَتُصَعِّدُهُ عَلَى الْحَيَاةِ. C'est comme cela que Allah a accordé à l'homme d'avoir le contrôle sur terre, dans les airs, dans les mers, et il leur a mis tout cela sous service. Les a rendus sous le contrôle de l'homme. Elle les transporte sur leur dos et les aide à vivre. وعلى الإنسان أن يتذكر أن الله خلق كل هذه الأشياء لأجله. Et que l'insan doit se rappeler que Allah crée toutes ces choses pour lui. وكلما استعمل وسيلة من وسائل المواصلات فليقرأ قوله تعالى. Et toutes les fois où il utilise justement des moyens de transport, qu'il lise la parole d'Allah. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون. Que soit purifié celui, glorifié celui, plutôt purifié celui qui nous a contrôlé tout cela alors que nous n'étions pas capables. Et certes, nous retournons vers notre Seigneur. وليعلم أن الله قد سخر له هذه الأشياء لكي يقوم بوظيفة التي خلقه من أجلها وهي العبادة. Et qu'il sache que Allah lui a donné tout cela, yani il a mis tout cela sous son contrôle, afin qu'il puisse appliquer, remplir cette fonction pour laquelle il l'a créé, c'est-à-dire l'adoration. Comme a dit Allah Azza wa Jal, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Pour demain, Inch'Allah, مَا عَلَيْكِ اللَّا تَدْرِبْ الْخَامِسِ. C'est mettre les mots dans les trous. الكلمات يقاس, le fait de comparer. تعثر, le fait de s'empêtrer. الأوجل, c'est la boue. Al-Adghal, c'est les brousses. Dahala, c'est les surfaces. Ubab, c'est le flux ou le cours. Kawarith, c'est l'accident dangereux. D'ailleurs, ils l'ont mis là, mais dans le texte, ce n'est pas cité. Kulliyan, c'est totalement. Al-Jumal Oula, yakul. Ta'ishu kathir bin al-hayawanat al-muftarisa fi. Il y a beaucoup d'animaux, de prédateurs, vivent dans. ثانياً يتعمد الإنسان على الله اعتماداً في أموره. Que l'insan se repose sur Allah de façon dans ses choses, dans ses affaires. ثالثاً لم يستطيع السفينة أن تبحر في النهر لمائه. Que les bateaux ne peuvent voguer sur les fleuves pour de leurs eaux. وإن كثيرا من التي نشهدها اليوم سببها الإنسان نفسه. La plupart des que l'on voit aujourd'hui, leur cause c'est l'homme lui-même. خامسا تكثر في مناطق التربة التينية بعد زوال أو بعد نزول الأمطار. Se multiplie dans les régions je ne sais pas comment on dirait. Les régions ont beaucoup de terre après la descente de la pluie. Les régions boueuses, peut-être. Allah alam. Non, hawla hada. Sadisan. Al-mashi fi tariq bil hijarati wa rimal. La marche dans les routes de pierre ou de sable. سابعاً التقدم المادي للشعوب بمدى تقدمها في محل العلوم في مجال أفوان العلوم. كم l'avancée matérielle pour les peuples en fonction de leur avance dans la science. سابعاً انطلقت السفينة تشق الماء ليلاً. Que le bateau se déplace et fend des eaux de nuit. طيب الان نرجع ناخذ شيئا من الاعراب. ان تقدم الامم وشعوبه ونهضتها. لماذا الشعوب ونهضتها بالفتحه؟ او plutôt non, c'est ان تقدم الامم وشعوب ونهضتها. T'as une fatah sur Nahda? Oui. Non. Pourquoi il y a une kasra à Shu'oub, une fatah à Nahda? Shu'oub, Shu'oubi. Ma marteau de Humam. Et Humam, il est mudaf ilayh. Wa nahdataha. Liesh, bi fatha. معطوف على تقدم وتقدم اسم إن تقدم اسم إن تمام donc on a deux عطف un qui revient à umam et l'autre qui revient à تقدم qui est منصوب ثم قال ولذا نرى دول تتسابق في تحسينها وتطويرها ما وجدت إليه ذلك سبيلا ما يعرف السبيلة كملت ما يعرف السبيلة Là, on aurait pu croire. C'est ça. Dantou. Ah, ouais. Mais c'est pas tout Wajada qui est. Akhawat Dhanna. Et en plus, il n'y a pas de khabar dans Dhanna wa Akhawatiha. Il y a deux maf'ul. Là, Wajatou, c'est pas celui qui rentre dans Dhanna wa Akhawatiha. Maf'ul bihi. Tout simplement. يعتمد اعتمادا كليا ما يعلم اعتمادا كليا اعتمادا مفعول مطلق مفعول مطلق احسنت منصوب علامه نصبيه الفتحه كليا هل او نعت او هل نعت صاحب الحل صفه لا نعت في الجملة بعد فما بقيت للوسائل البدائية مكانة ما يعلم مكانة ولماذا هو مرفوع خبر هنا المبتدا اولاً سي مبتدا مبتدا ماذا مؤخر لا مبتدا ما في شو ادي وي لو ايش اللي هو الخبر Où le khabar Le mukaddam Il n'y en a pas. Tu ne trouves pas فاعل من أين بقيت فما بقيت الوسائل البدائية مكانة فاعل بقيت كالصحارى ما يعرف صحارى اسمك ماذا؟ كأنه إيه لو كأنه مجرور اسم مجرور علامة جره الكسرة ايوه مقدرة مع من عامل ظهورها التعذر احسنت نعم الكسرة حرف جر فقط ايوه حرف جر ما يهرب فسويت المرتفعات سويت في مواضيع مغير سيارة والتاء لم ما محلهم من الإعراب والتاء لم يمتسل علامة النسوة ضمير متصل ضمير متصل تأتي الساكنة هذا ضمير علامة الإناث لكن ما يعربه لا محل له من الإعراب إذا ما هو ضمير أوكي سي با ضمير سي حرف طيب المرتفعات نائب فاعل نائب فاعل مرفوع نعم تحت ووسائل النقل المواصلات يكمل بعضها بعضا ما يعلم يكمل بعضها بعضا يكملوا يكملوا نعم يكملوا ما يعرب يكملوا كان مضارع مرفوع على رفعي ضمة ظاهرة على آخره على آخره فهو ايوه بعضها هذا جار ومجرور او بيتو ظرف لا جار ومجرور بعضها واستنجر له مضاف له ما يعرف بعضه لا تذهب بعيدا ظرف ظرف بالمرفوع ظرف مرفوع منصوب ظرف منصوب لا ينضم له بعضها سهل جدا تو فعل فعل ثم اسم مرفوع داعيه لوي سي فاعل ومضاف اليه مضاف اليه بعض ما يعرف بعضا مطلق مفهوم مطلق في كل دو كيل فعل لا تذهب بعيدا كذلك مفعول به يكمل بعضها بعضا سمفعول به فقط طيب وجعلها ذلولا جعل شيء الماضي نعم يعني الفتح لا جعل السكون لا جعل الفتح نعم لا محل من الإعراب وها هو ضمير متصل الفاعل لم المتصل لم المستتر لم المستتر تقديره هو ولها مفعول به وذلولا هذه جعلها من أي قسم؟ جعلها aussi vient de quelle catégorie de verbe؟ أيوة إذن ما معنى ذلك؟ مفعول ثاني. مفعول ثاني. الها مفعول أول والذلولا مفعول ثاني. أحسنت. آخر لكي يقوم بوظيفته. لكي يقوم. لكي هنا خذنا لكي كي هو اسمه انا aussi mais le nom on avait vu كي on avait les deux لم كي لم تعليل et après كي نفس معنى donc là c'est لم تعليل à la base كي c'est un لم يعني مقدر فقط لا il a pas c'est le même Donc l'aime Kay ou Kay Aïe, ouais. Là, l'aime Kay. L'aime Kay, oui. C'est l'aime Ta'alil. L'aime Ta'alil, oui. Après Kay, Harf Nasb. Nasb ou Mazdar aussi. Non, ou Mazdar. Istikbel, là, Mazakar, Istikbel. Harf Nasb ou Mazdar. Yakouma, faire le tariya. منصوب ouais. منصوب ب ب ألم مرة جوازنا لا منصوب بكي منصوب بكي منصوب بكي أنا ما تنصب به نعم إيه سيكوال تقدير لكي يقوم كما هو في أنا تبقيت هذه الفرازة بكي كي هذا حرف مصدر ما دي Donc comment ça se comporte avec son verbe? C'est quoi le taqdir de la phrase? Li qiyami. Li qiyami. Tu awwal le fi'l bil masdar. Misl an. An tu awwal le fi'l bil masdar, sauf que là li kay tu tadkhil lam at-ta'lil fihi. طيب, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Fa tu as juste des tadribat à faire et tu raja' les kalimat. N'am. Mafhoum hada? فلا ونور الحمد لله رب العالمين